À Nantes, dans l'ouest de la France, une conductrice a été condamnée à payer 22 euros pour avoir conduit sa voiture alors qu'elle portait un voile islamique intégral. Et cette affaire est devenue une polémique en France. Elle prend encore plus d'importance aujourd'hui car le ministre de l'Immigration, Éric Besson, menace de retirer la nationalité française à son mari. On l'accuse d'avoir plusieurs femmes et d'avoir triché pour avoir plus d'allocations sociales. Les précisions de Franck Alexandre. C'est désormais le mari de la conductrice intégralement voilée qui est visé par les autorités. Le débat sur le port du voile intégral est donc supplanté par un autre débat, la polygamie. Car selon le ministère de l'Intérieur, cet homme né à Alger et ayant acquis la nationalité française par mariage en 99, vivrait avec 4 femmes dont il aurait eu 12 enfants. Ces 4 femmes, ajoute le ministère, bénéficieraient toutes de l'allocation de parents isolés. Le préfet de Loire-Atlantique a d'ores et déjà saisi la justice pour réprimer le cas échéant les faits de polygamie et de fraude aux aides sociales, mais cette affaire a désormais pris un tour politique. La députée UMP Chantal Brunel demande un état des lieux département par département des familles polygames. Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP, insiste sur la nécessaire fermeté contre ceux qui profitent de l'hospitalité française et Brice Hortefeux souhaite que cet homme, si les infractions étaient avérées, soit déchu de la nationalité française. Beaucoup d'effets d'annonce donc, mais sans aucune portée juridique, puisque si la polygamie est interdite par les textes, l'infraction à elle seule ne permet pas aux autorités de déchoir de sa nationalité une personne d'origine étrangère.